Monsieur. Donc, les personnes qui viennent pour la première fois, nous sommes au CIRA, Centre international de recherche sur l'anarchie. Si vous voulez en savoir plus, à la suite de la projection et du débat, on fait un pot et on pourra discuter. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions sur cet endroit qui peut-être paraît à certains un peu mystérieux. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Aymeric Bonetti, qui aurait dû venir avec son frère, mais bon, après, pour des raisons de coût, il se dit qu'il se partage les présentations, donc il est venu tout seul, donc pour nous présenter un film qui s'appelle Abure pour l'éternité, qui a été finalisé en 2014, je crois, ou l'année d'avant, peut-être Début 2015. 2015, voilà. Et donc depuis, si vous avez regardé leur site, ça tourne beaucoup et bon, l'intérêt c'est de le regarder, d'en discuter après bien sûr. Sachant que Dur, vous en avez, c'est un peu loin d'ici, c'est un peu mystérieux, c'est un petit village qui est à la limite de la Meuse et de la Marne. Donc c'est entre ça, des endroits qui nous paraissent un peu exotiques, Ligny-en-Barrois, Saint-Dizier, enfin, des gens qui connaissent sûrement, mais d'autres qui n'ont jamais dû y mettre les pieds. Donc on va découvrir ce lieu où il y a le nucléaire qui s'est abattu dessus et qui va pourrir la situation. Donc ce film a été co-réalisé par Aymeric et son frère Sébastien. Donc Sébastien, il est journaliste dans un journal local qui s'appelle toujours Républicain Lorrain, mais il a écrit dans des revues qui nous plaisent, qui sont proches de nous, comme Z, Offensive et Fakir. Et toi, Aymeric, tu as fait des études d'audiovisuel à Nancy et tu es ingénieur du son et régisseur. Entrez. C'est ce qui est marqué sur le site. Entre autres choses, donc tu es venu exprès depuis Longwy, donc c'est au nord de Bure, pour venir présenter le film. L'équipe du film, c'est un collectif qui s'appelle Cyclone ou Cyclone. Oui, c'est Cyclone ou Cyclone. Donc ça, tu pourras nous en dire plus. C'est une association de professionnels basée à Metz, qui produit des courts-métrages, des films de commande, et qui fait des ateliers de fiction. Voilà, le film va durer, bon, de toute façon, je vais le présenter, il dure 52 minutes, c'est ça, c'est 48, 48 sont génériques. Là, on a perdu 4 minutes. Donc, le DVD est en vente à prix libre, hein, après, Aymeric nous dira comment le diffuser, tout ça. Il y a une question, même, comment est-ce qu'on peut le trouver dans les bibliothèques publiques, déjà. Il y a des revues qui viennent de Bure. Les bouquins qui sont là viennent de la librairie, ils sont en vente. Il y a ceux de la bibliothèque à consulter. Donc je te laisse la parole. Okay. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Et moi je fais partie en plus de. Je fais partie encore à l'heure actuelle de l'association qui gère la maison. Le sujet du film, ça va être le sujet de. De la maison de la résistance, donc qui est située à Bure même. Donc ici en fait, si vous voyez, voilà, en gros, il y a le petit triangle ici, c'est en gros, et c'est là donc, où ils projettent d'enfuir les pires déchets radioactifs de France, qui contiennent 99% de la radioactivité totale contenue dans tous les déchets français. Il y a déjà des sondes d'enfouissement aussi qui existent à l'heure actuelle, hein. Je ne vais pas trop parler. Attends, non mais je crois qu'on va attendre les déchets. Mais, ici on a déjà un sonde d'enfouissement pour les matières faiblement radioactives. Ouais. Et du coup, je suis enfermé. Oui, il y a déjà des sondes qui existent, hein. Ils sont la plupart pleins et ça fuit déjà. Il faut savoir que des exemples comme Pure, il n'y en a qu'un seul qui est à l'heure actuelle en cours de réalisation. Un peu en retard par rapport à Bure, c'est-à-dire qu'ils sont en stade de développement public. Nous, développement public, c'était fin 2012, ils ont bouclé le truc assez grossièrement. Après, j'ai pas envie de faire trop parler trop avant aussi, hein, mais, parce qu'il y a tellement de choses à dire que l'AFS, le problème, c'est que j'ai pas pu ramener pour différentes raisons, j'ai pas pu ramener beaucoup de documentation, mais alors ça, c'est un fascicule qu'on réactualise tous les ans à peu près, en fonction des nouvelles qu'il y a par rapport à Bure. Vous pourrez les trouver en les demandant directement soit au réseau, soit réseau Sorcier Nucléaire, vous avez l'adresse derrière. Ou sinon, vous le pourrez demander aussi à la maison. Je crois qu'ils sont payants, mais il y a moins de s'arranger, enfin il y a des trucs où il y a moins d'en avoir un petit peu quand même. Et ici, c'est un bouquin qui est de la même personne qui a réalisé ce fascicule, hein, qui est une ancienne personne de la lutte, hein, la lutte depuis le début, puisqu'elle habite par le Duc depuis voilà, dont on connaît le sujet depuis très longtemps, et du coup ben, qui résume extrêmement bien la situation de l'UR depuis ses débuts jusqu'à 2014. Donc le bouquin est sorti 2014-2015. Et dessus on a l'historique de ce qui s'est passé en lutte à Bure, en fait. Après j'ai d'autres bouquins mais qui ne parlent pas forcément de Bure, qui concernent aussi Bure, mais là c'est par exemple une lettre d'info qu'on fait à la maison de la résistance. On essaie de tenir. On peut s'inscrire, vous pouvez nous laisser votre adresse, etc. Vous pouvez la recevoir gratuitement chez vous. On essaie d'être assez carré, mais c'est assez compliqué pour les écrire. Normalement, c'est une lettre qu'on fait trimestriellement. Derrière l'agenda de ce qui se passe à Bure et aussi des autres luttes qu'on peut trouver à droite à gauche. Et aussi des articles sur les différents luttes comme Calais, comme la ZAD, etc. etc. Voilà. Après, je pense qu'on aura le temps d'en parler. Non, longtemps après, on a qu'à envoyer tout. Sur ce sujet, il faut savoir qu'il y a eu un film sur les luttes à Bure avant les années 2000 qui s'appelle « Tout ce qu'on n'a pas dit d'Anna Ries », qu'on peut voir en DVD. Tout ce qu'on n'a pas dit d'Anna Ries, mais ça, c'est un film qui date d'avant les années 2000. Donc c'est des manifestations qu'il y a eu avant, contre le laboratoire. Après, je vais faire un petit historique, histoire de expliquer vite fait la situation de Bure, pourquoi on a revenu à Bure en fait. Après les années 2000, donc c'est seulement depuis 2012 qu'il y a eu des films qui ont été refaits, donc dans le nord. Dans le tournage, on a commencé en 2012. Et on a parlé des frères de Thibaut Mathéus, c'est Le Riche à boire. Ça, c'est un film d'une heure et demie qui va interviewer des gens dans le coin pour leur donner de connaître la position des gens par rapport à CGO et ça, voilà, de savoir à peu près leur point de vue par rapport à tout ce qui s'est passé là-bas. On a aussi un film qui est passé sur Public Sénat qui est 100 millions sous le pied d'un dominicain. Ça, c'est un film qui est assez grand public, où il y a un peu plus d'aspect scientifique dedans, un peu plus d'aspect, qui aborde à peu près tous les points de vue. C'est pour ça qu'il a réussi à la passer à Public Sénat. Un autre qui est disponible gratuitement sur Internet, à diffuser n'importe où, n'importe quand, vous tapez sur vimeo.com, c'est le site Internet, là, si vous tapez ça sur YouTube, vous ne trouverez pas, c'est vimeo.com, et c'est Poubelle de la vie, petit jeu de mots. Et du coup, celui-ci qui est plus pour les gens qui sont un peu plus militants, plus engagés, parce qu'ils engagent des questions par rapport au sujet de vie, en fait. Et dans l'autre aussi, qui sont sortis à peu près 2014-2015, ces quatre films. Il y en a aussi un autre qui est en cours de réalisation par un collectif indépendant de Paris. Alors celui-là, je ne sais pas le nom, c'est les Scotcheuses. C'est le collectif des Scotcheuses qui est en train d'être réalisé. Je ne sais pas quand on va sortir, ça sera en 16 mm. Je pense qu'il y aura aussi une version, je ne suis pas sûr, je ne vais pas répondre à leur place, mais je pense qu'il y aura une version numérique. Voilà en gros sur l'aspect le film. Après sur l'aspect livre, je vous ai dit, là, il y a des livres. Là, il y a aussi celui-ci qui est l'un des Anonymous qui avait fait une attaque l'année dernière avec deux autres. Donc ça c'est un livre de soutien à lui en fait, où j'écris plein de poèmes en même temps. Et du coup, il a publié ce livre de poèmes pour pouvoir aussi financer son procès et les conséquences de son procès, un jugement. C'est juste qu'ils avaient fait un sitting sur le site internet. En gros, ils avaient donné deux, ils avaient donné les codes d'accès au site internet de Areva, le site internet du Conseil de l'Union, etc., pour dénoncer le fait qu'il n'y ait pas eu de débat politique. Donc, ce qu'ils avaient fait, c'était juste sur le site internet avoir une image qui se montrait sur le site en disant on veut un débat public, on veut un débat public sur le. Un vrai débat public, il y a eu deux débats publics en 2005 et un en 2012, où jamais la question n'a été demandée à la population est-ce que vous voulez dans son enfouissement. Ça a toujours été est-ce que vous voulez la peinture rouge dans le couloir ou est-ce que vous voulez que les boutons de l'ascenseur pour descendre soient bleus en bleu. Enfin, c'était vraiment des questions. Je me souviens, on avait assisté à une réunion en fait du CLIS et il se permettait à demander à des gens, donc c'est l'un des endroits en France, on a une population planétaire, on prend Bure 90 habitants, le village de côté 90-100 habitants. Et on fait ça sur 30 km, on a pratiquement la même densité de population. Quoi. Et de demander à des gens qui ne sont pas forcément novices dans le sujet, est-ce que vous voulez, on pense plutôt faire CGO d'un point de vue carré ou rond au niveau des galeries comment vous permettez de demander ça alors que vous ne demandez même pas l'autorisation à ces, aux personnes s'ils veulent ça en dessous de leur maison. En France, il faut savoir que le sous-sol n'appartient pas à plus d'un mètre, le sol ne nous appartient pas en dessous de 1 mètre. En Allemagne, par exemple, c'est tout le sol appartient à la population, aux gens qui habitent. Ensuite, pour vite fait retracer l'histoire, pourquoi on est venu à Bure, il y a eu interdiction de jeter les déchets dans la Manche, quoi, pour l'État français. À Bure, ça s'est passé autre part. Quoi. Du coup, obligation de les mettre, de retrouver d'autres modes de recherche. Ça veut dire le mode souterrain, le mode comme Bure. Mode subsurface, ça veut dire les mettre en moins de 15 mètres maximum, moins 30 mètres, et en surface. Il y a eu des débats publics à l'époque, il y a eu le premier débat public de Bure aussi, qui portait le sujet là-dessus, et en fait, à chaque fois, les conclusions étaient orientées pour le souterrain. Pourquoi plus facilement, facile à gérer dans le sens où on les met dans un trou, on ferme le trou, puis après on ne le voit plus, on n'a plus rien à gérer, il n'y a rien que pourra. Moi je pense surtout comme ça, quoi. C'est surtout ce pourquoi ils ont surtout initié ce genre d'initiative. Après ils sont arrivés, donc à l'époque ils avaient démarché une trentaine de départements, une quinzaine de départements en France, et ils avaient présenté le projet d'une façon différente par rapport à Bure. C'est qu'ils avaient été voir les populations locales, les élus locaux, et en leur présentant, est-ce que vous voulez une poubelle nucléaire en dessous de chez vous? Si oui, vous aurez de l'argent en compensation. Tout le monde a dit non, ils ont parfois été accueillis, même avec des fusils, avec des agriculteurs qui étaient assez chauds, etc. Et donc ils sont vite partis des départements qu'ils avaient démarché. Pour Bure, ils ont fonctionné différemment. Il y a la loi de 91 de bataille a changé la donne. On ne parle plus, donc à ce moment-là, de cette loi-là dit qu'on ne parle plus de centre d'enfouissement, mais on parle de laboratoire. Et ils préconisaient la construction de... Préconisaient, attention, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, mais ils préconisaient la construction de 2 à 3 laboratoires. Il y en a eu un seul. Celui de Bure, ils ont été bien contents, ils sont arrêtés là, parce qu'ils ont vu la galère que c'était pour en avoir un, donc du coup, ils sont vite arrêtés à celui-là. Et là, ils ont présenté la chose différente, c'est-à-dire qu'ils ont été voir les élus départementaux, et non plus les locaux. Et ils leur ont présenté comme ça en fait. C'est si vous voulez un laboratoire, vous aurez de l'argent en compensation. Donc là, on en est à, depuis 2000, le laboratoire qui est construit, et on en est à une dépense de presque 1 milliard d'euros dépensés en compensation du laboratoire, à l'heure actuelle. Et on ne parle toujours pas de CGO, on ne parle toujours pas du projet qui est pas encore avancé. Ils ont essayé de commencer les travaux illégalement. Cette année, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu des histoires un peu maltraitées par certains médias comme BFM ou. On a aussi des copains, par exemple, dans le Monde ou autre, ou dans certains, où des fois il y a des bons articles, des fois il y a des bons sujets, hein, France Inter aussi. Mais c'est en général, médiatiquement, c'est le nucléaire en France restera toujours assez difficile d'avoir une parole publique. Pourquoi? Parce que c'est le seul État au monde qui a mis de l'argent dans l'industrie. Au Japon, c'est une entreprise, aux États-Unis, c'est une entreprise. En France, c'est l'État qui a mis de l'argent. Et encore en plus, là, depuis 2012, EDF remet de l'argent, donc on a encore 2 entreprises, plus l'État qui est 2-3 fois là-dedans dans cette histoire. Du coup, médiatiquement, c'est assez compliqué. Voilà, en gros, après, je peux vous parler de tout et n'importe quoi. J'aimerais bien que vous disiez, si vous avez des questions, ce serait bien de me les poser. Moi, je voudrais savoir si vous connaissez la pièce de théâtre Impossible procès. J'ai entendu parler. C'est de qui déjà? Très bien. Je ne dirai pas la compagnie, je ne sais pas. Mais en fait, c'est le procès qui paraît donc impossible. C'est pas seulement sur les déchets nucléaires, mais sur le nucléaire. Et après, j'en avais parlé à Johan. Je vais donner la compagnie. Non, j'ai entendu parler, mais je n'ai pas vu. Il y a aussi Nicolas Lambert qui a fait un triptyque sur. EDF n'est pas flic. Voilà, venir à Bure, c'était vraiment sur le. Il était venu jouer à Bure en 2012. Il a vraiment bien donné historiquement la situation du nucléaire en France. Et c'est vraiment un bon résumé de la situation du nucléaire en France. Après, il y en a 2 bouquins, j'en ai découvert dernièrement, mais c'est. Il y a quand même des choses qui bougent. Après, c'est sûr que publiquement, ça ne passera jamais sur le monde des grandes chaînes, etc. Dominique Quenquin a réussi à passer son film à Public Sénat, c'est parce que un, c'est le plus gros producteur de Lorraine. Du coup, il savait manipuler l'image. Nous, c'était notre premier document. Notre premier documentaire, on a essayé de le diffuser à la télé, mais on a été le voir lui. Il nous a dit clairement, bah, c'est simple, hein, vous avez les mots communauté dans votre film, vous avez les mots autogestion dans votre film, vous ne pourrez pas rechercher, vous ne pourrez pas diffuser sur les chaînes publiques. On a juste été diffusé sur la chaîne locale de Lorraine, qui est Minerva TV. C'est, c'est la seule télé qu'on a réussi à trouver. Donc c'est vraiment. S'il n'y a pas une définition. J'avais mis un évêque et une ancienne ministre alors. Pour compenser les mots autogestion. Ben c'est parce qu'eux étaient entre guillemets actifs. L'évêque a mis un groupe de discussion et a lancé un groupe de discussion. Ouais. Et c'est l'évêque qui s'occupe de la question écologique dans. Dans le catholicisme. Et du coup, il est. Il a été actif, c'est-à-dire on a pris les gens actifs sur le moment en fait. Et au moment où on est arrivé en 2012, bah, lui, il y avait aussi Colin Lepage qui était là et qui a parlé, qui a donné son temps de vue aussi. C'est pas pour autant que. C'est juste qu'on a utilisé ça, c'est, on s'est dit bah, si ça peut parler à plus de gens, bah, faisons-le. Et c'est aussi les gens qui se sont aussi investis dans la lutte par rapport à Dieu. Du coup, on ne s'est pas empêché de les mettre, même si on a été fortement critiqué pour ça. Mais, on assume la chose. Présente. Oui, non, mais et là, ce qui s'est passé, là, c'est l'été quand ils ont récupéré le bois. Ouais. Alors, donc, c'était l'endroit où il devait y avoir les puits d'évacuation, c'est ça? Ouais, les puits de ventilation. Ça, c'est plus là, même dans les dossiers, on n'était pas très bien. Peut-être nous donner un aperçu, parce que bon, dans le film n'est pas technique, justement. Ouais. Et c'est quoi ce projet? C'est faire des souterrains? C'est faire une grande carrière refermée au-dessus? C'est quoi exactement? Et après, ouais, alors, on parler de ce qui s'est passé cet été. Pour l'instant, le laboratoire, il restera laboratoire. Ils ne vont pas partir du laboratoire pour faire le projet. Donc le gros bâtiment qu'on voit dans le film, c'est. Tout ça, c'est le laboratoire. Tous les bâtiments, alors, les différents bâtiments. Les grands bâtiments qu'on voit, c'est déjà quelque chose de l'endroit. Voilà. Donc là, en fait, ils essaient de nucléariser déjà le lieu. Le point de bure, ils l'ont fait depuis le début en fait. Même avant que le laboratoire soit construit, ils avaient déjà mis EDF, ils avaient mis, je crois aussi, comment ça s'appelle, Safran, qui font des. Ils s'occupent d'enrichir les munitions, par exemple, enrichir les balles en uranium appauvri, etc. Et ils ont mis aussi une plateforme. Qu'on a découvert en 2011, on se demandait pourquoi il y avait des camions. On savait qu'il y avait des camions de déchets radioactifs qui passaient, de matières radioactives, pas de déchets. Pas que. Ils passaient à côté, à une heure de Bure, au nord, quoi, sur la route. Avant, ça se passait à Nancy, en fait. C'est des entreposages temporaires, en fait. Comme il peut avoir un train qui s'arrête dans une gare et qui émanait de la radioactivité à ce moment-là. Mais nous, on se demandait sur cette plateforme de camions, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Au moment où on voyait 2-3 camions, avec les logos radioactifs dessus. Le maire, on a fait une manif, on avait invité les journaux locaux. Le maire faisait semblant de ne pas trop connaître ce qui se passait sur son truc, possible. Il a aussi milité ce jour-là avec nous en diffusant son information. Et depuis ce jour-là, la population sait qu'il y a des matières radioactives qui passent par exemple à 200 mètres d'une école primaire, qui passent en plein milieu de leur village alors qu'ils n'avaient aucunement connaissance de ça. Pourquoi ils ont réussi à mettre cette plateforme sans avoir trop d'informations dedans, c'est parce que une installation nucléaire, tant qu'elle tient, tant que les matières radioactives ne sont pas stockées plus de 24 heures, c'est-à-dire que même s'il y a un camion qui vient et un autre qui vient le lendemain, etc., etc., on est d'accord que c'est fait une matière radioactive qui émane pendant plus de 24 heures, on est d'accord, mais tant que le camion ne reste pas plus de 24 heures, ils n'ont pas obligation de faire de la demande pour construction nucléarisée ou je sais plus quoi, enfin faire comme une centrale ou un entrepôt ou autre. Et du coup, ben, ça par exemple, on l'avait découvert comme ça. Quoi. Et ensuite, sur. Donc la question c'était sur. Qu'est-ce que c'est. Bon, ça va être une. Ils vont partir autour du laboratoire. Ça va être autour des. Ben, je vous invite surtout à venir à Bure, ça va être plus facile à. Et on n'a pas. J'ai pas de schéma sur celui-là, je pensais que j'en aurais, mais j'en ai pas. J'ai pas assez amené de doc, je suis désolé pour ça. Et. Si vous les demandez à la maison, vous pourrez aller vous les envoyer. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. À la maison de Bure, vous avez les contacts derrière ce petit fascicule. C'est le hérissonrangeur@gmail.com. Voilà. Là, je ne crois pas qu'il y ait de schéma dessus, en fait, sur ce design. Sur le numéro de décembre, il y a peut-être un plan. début de deuxième. Ah, bah, vous avez le dernier, voilà. Celui-là, il a un accès, il est gratos à 1000 d'abord. Voilà. En gros, on a le village de Bure. Ici, on a la zone du laboratoire. Et le son d'enfouissement va se faire principalement au-dessus, ici. Donc pourquoi les autres villages sont concernés? Donc là, on a Bonnet, etc. C'est parce que Bonnet, par exemple, c'est beaucoup des bois, c'est rien, c'est en dessous des habitations, mais en dessous des bois de Bonnet. Ribeaucourt, pareil. Mandre, ça sera aussi en dessous de la commune, je crois. Et Bure, je crois aussi, c'est au milieu des bois. Enfin, ils n'ont pas trop fait en dessous des villages, mais autour et au-dessus des bois. C'est ça que les quatre villages sont concernés. Pourquoi maintenant les concerne aussi? C'est parce qu'il y aura une des descendries qui se fera de Haute-Marne, en fait. À 5 km de Bure, ouais, c'est plus facile là-dessus. Donc c'est quoi? C'est des galeries d'accès ou des camions souterraines, des espèces de tunnels, quoi, c'est... Voilà. Là, on a Bure, et on a le village à côté, donc... donc juste après le petit point, donc c'est à 5 km, hein, on a Sodron, qui est un petit village qui va... il est même sur le dessin. On a Bure ici, et ici on a Sodron. Bure ici et Sodron. Et du coup, où il y aura une descendrie de déchets qui va... de personnel, je crois. De déchets, c'est parce qu'ils doivent respecter un angle, et du coup ça va être motorisé, etc. etc. Le personnel descendra plus une autre galerie. C'est pour ça qu'eux touchent aussi 30 millions d'euros. À l'heure actuelle, c'est 30 millions d'euros par département par an qui touche. En compensation du laboratoire, et pas du projet CIEG. Bon, ça c'est toujours la même. Ce que je disais tout à l'heure, hein, le milliard qui a été dépensé, c'est que en compensation du laboratoire. Et les voies? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé dans les bois? Alors cet été, alors tous les achats, la plupart ont été faits, je vais revenir un peu sur les achats des terres par exemple, et pas que des bois. Parce que les bois, c'est juste un exemple, hein, Bure, c'est rempli de malversations, enfin l'histoire de Bure, c'est que ça, hein, je dirais même le pire en général, mais en gros, pour l'achat des terres, il y avait par exemple, je vous donne un exemple, l'année dernière, il y a eu une action faite contre une personne qui travaille à la SAFER, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la SAFER, je ne sais pas ce que ça veut dire les cibles, mais c'est l'organisme d'État qui doit normalement récupérer des terres pour les redonner aux nouveaux agriculteurs. Normalement, c'est à peu près la définition, je me trompe peut-être, mais on est à peu près dans une bonne définition. Or là, en fait, ils ont racheté les terres des locaux, donc de Bure, Mandre, etc., pour les rendre à l'ANDRA. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'ANDRA possède plus de 3000 hectares de terres, alors qu'ils en ont besoin pour le projet que de 300. Ça leur permet d'échanger à droite, à gauche. Nous, on achète, l'ANDRA veut acheter dans la zone de Bure pour revendre des terres qu'ils ont du côté de Bar-le-Duc, au nord de Bar-le-Duc. Ce qui s'est passé par exemple avec le voisin de la maison, où il a vendu ses terres pour son fils. Ses terres à lui, il les a vendues pour que son fils les récupère, mais il les a récupérées à Bar-le-Duc, à 1h au nord en fait. Par contre, ils n'ont pas toute la zone. Il reste encore des petites parcelles qui n'arrivent pas à récupérer parce que les militants, enfin les habitants sont contre. Ils ne sont pas forcément militants, mais ils sont contre. Ils ont démarché plus de 40 d'agriculteurs, etc., dont des gros propriétaires terriens, assez violemment. Donc ce mec s'appelle Emmanuel Rance, pour ne pas le nommer, bien sûr. Et il a, par exemple, sur un des rendez-vous qu'il avait, parce que c'était pas des rendez-vous, il allait des fois 6h du matin, il mettait vraiment une pression, plusieurs fois par semaine, ça dépendait des gens qu'il avait en face de lui, comment il les avait, avec les renseignements qu'il pouvait obtenir avec les RG, du coup, il travaillait sa tactique et il mettait une grosse pression, pas physique, mais verbale surtout. Il a créé, par exemple, il a provoqué un AVC chez un des agriculteurs qu'il avait démarché, l'agriculteur a fait un AVC dans la nuit, suite à un énième rendez-vous qu'il y a eu avec lui, en fait. C'est un des exemples, en fait. Le bois, ça s'est passé pas forcément comme ça, mais c'est plus de la malversation, comme un peu le maire de Bure, hein, qui... Enfin, peu importe. Et du coup, ça s'est passé l'année dernière, il y a 2 ans, il avait demandé à son conseil de savoir quelle était la position de son conseiller par rapport à la vente des bois, par rapport au projet. Le conseil avait dit non, on ne veut pas vendre, on veut garder le bois. Il a ensuite réitéré l'opération un an après, je crois, et il l'a fait à 6h du matin, entouré de 3-4 maximum personnes, et du coup, ils ont vendu le bois à l'endroit sans que tout le monde ait voté pour ça. Ce qui s'est passé un peu dernièrement avec Longue qui a proposé ça dans la loi Macron, c'était à peu près pareil, ils étaient 4-5 à mettre ça, qui au final, sur des centaines qui auraient dû être présents, ils votent le truc en fait. Donc là, c'est la vente du bois, c'est fait pas forcément légalement, mais pas forcément illégalement, mais un peu de façon très malsaine, sans respecter les habitants et leur point de vue. Et du coup, le bois était vendu. Ensuite, cette année, ils ont commencé donc à faire des travaux. Début d'été, ils avaient commencé à déboiser en fait. On est arrivé dans les bois et on a découvert à un moment donné qu'ils avaient 10 mètres donc la taille de. On va prendre du mur là, au mur on peut voir les livres, bon, en fait, en largeur c'est à peu près ce qu'ils ont déboisé sur plusieurs kilomètres pour définir la zone où ils allaient mettre le mur pour protéger l'un des. Je ne sais pas ce qu'ils avaient. Je pense que ça va être un puits d'aération, mais je pense qu'il y a d'avoir aussi d'autres choses. Et donc ils ont commencé à déboiser violemment, sachant qu'ils n'avaient pas d'autorisation. Ils avaient juste l'autorisation du maire selon d'autres maires qui étaient opposés, comme Jean-Pierre Rémier, nous a dit que ce n'était pas du tout viable la façon dont il a fait. Ils avaient déjà commencé à déboiser, hein, donc ils coupaient, etc. Il y avait même des jeunes pousses qui étaient dedans, c'est-à-dire que c'était des pousses qui avaient eu après les tempêtes de 2000. Ouais, 2000, ouais. Les grosses tempêtes qui étaient de 2000, donc ils avaient fait des jeunes pousses et pareil, ils ont déboisé grossièrement. Alors que normalement, ces jeunes pousses ont l'interdiction d'être découpées normalement. Donc ils ont fait ça, ils ont déboisé tout le long. Ils n'avaient pas tout déboisé. Par contre, ils ont vite pris le pas de. Donc là, à ce moment-là, on a fait une occupation du bois. On a fait une action, donc on est rentré dans le bois, on a réussi à enlever. Alors, ils avaient mis des pauvres barbelés pour le début des petits troncs de bois, ça montait pas plus haut que ça au départ. Donc on a tout coupé, tout enlevé. Et ensuite, on a découvert de voir qu'il y avait une plateforme qui a été construite. Ils avaient déboisé, etc. Et donc cette plateforme, on s'est dit qu'il fallait la récupérer. Et en la récupérant, on avait vu qu'il y avait des barbelés de l'OTAN, en fait. Enfin, c'est les mêmes barbelés qu'ils utilisent à l'OTAN, comme ce qu'on peut trouver aussi à la jungle de Calais, c'est pareil, quoi. C'est des... J'en ai pas ramené. Mais heureusement, on les aiguise pour éviter qu'ils coupent, et du coup, on essaie de faire des... On a dans l'idée d'en vendre un prix libre. C'est ça. Ouais. Je sais pas si vous voyez les formes de barbelés, donc c'est un fil avec une sorte de triangle qui part un peu comme ça. Et du coup, le tranchant est là en fait. C'est pareil, on a tout découpé et on n'a pas tout ramené, hein, c'est un peu compliqué. Et donc là, on avait réussi à occuper les bois, c'était en accord avec la gendarmerie, pareil, quand ils ont vu venir, et ils ont dit bon, ben, c'est simple, vous touchez pas à la milice privée, vous touchez pas à la gendarmerie, vous touchez pas aux voitures, du coup, après, vous faites ce que vous voulez, quoi. On a réussi à tenir 2 semaines dans le bois sans souci. Bon, après, j'ai des hélicos, etc., etc., mais ça, c'est autre chose. Mais du coup, ils ont évacué les bois assez violemment au bout de 2 semaines. Ils ont réussi à tenir le E, ils ont récupéré les bois, donc ils ont réussi à tenir encore pour refaire le mur. Donc là, pour installer le mur, d'ailleurs, je vous ai ramené un bout de mur. Hein. Qui avait été tagué, je crois. Peut-être celui-là a été tagué. Et du coup, c'était un mur de béton qui légalement était monté à 2,10 m et béton armé qu'on a réussi à tout faire tomber. En réussissant à réoccuper le bois par la suite. Et ça, c'était le mur est tombé il y a 2 semaines, voilà, à peu près. Le 15 ou quoi? Oui. J'y étais pas, mais il y a une question de Michel. Oui, moi je voulais poser une question. Je sais pas ce qu'il faut faire par rapport à mon enfouissement. La semaine dernière, il y a eu un conflit à propos des boues rouges à Marseille qui sont déversées de l'usine de Gardanne d'Aluminium. Et ça a créé un conflit politique au sommet, puisque Ségolène Royal propose qu'on ferme l'usine et qu'on la déplace ailleurs pour créer de nouvelles conditions, et donc elle se fout pas mal de la question de l'emploi. Et Valls dit non, on la garde par rapport à la situation, il a la trouille, bien entendu, des mouvements sociaux. Les boues rouges, ça n'a rien à voir du point de vue de la toxicité, bien que ça soit complètement toxique, hein, les émissions de Thalassa l'ont montré. Avec les déchets nucléaires. ces déchets nucléaires, ils existent actuellement. Je n'ai pas entendu dans ce que vous dites ce qu'il faut en faire. Vous dites qu'il y a de l'œuvre, alors on va interdire, on va faire ça. Mais j'aimerais vous entendre dire qu'est-ce qu'il faut faire, parce que ça c'est comment dirais-je, c'est de l'enfantillage, hein, d'interdire la découpe d'un bois, etc. C'est vraiment, c'est à mille lieues de l'importance de la question. Parlons des choses réelles, là. On pourrait les intéresser, vous les lisez, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces déchets? Alors, on vient de découvrir qu'il y a dans la Marne les restes en obus de la guerre de 14-18, plein de gaz, etc., qui sont infiniment plus nocifs que une ou deux bombes atomiques, quasiment, je l'ai lu dans la presse. Donc, par conséquent, le problème de l'enfouissement des déchets nucléaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut fermer toutes les usines, comme le dit Ségolène qui est la ministre de l'écologie, elle ferme. Elle ferme Gardanne. Et donc on est devant une crise, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait des déchets? Alors, réellement, hein. Sur la toxicité, j'ai pas assez de connaissances pour. Bien que je pense que le nucléaire est une autre manière de polluer et de contaminer les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on nous la pose souvent la question, en fait. À savoir, nous, quand on dénonce le problème, c'est déjà les malversations, on dénonce déjà le problème scientifique derrière, c'est-à-dire que les scientifiques qui sont penchés, des scientifiques indépendants. Si vous voulez des réponses purement scientifiques, je vous conseille d'aller voir la CRIRAD, de demander la documentation à la CRIRAD. Alors, je vous explique l'histoire de la CRIRAD. C'est une association indépendante qui a pour but de proposer des recherches scientifiques faites par des vrais scientifiques qui ont diplôme par rapport au nucléaire et de donner plusieurs éléments de réponse. Pas que sur les déchets, mais aussi sur l'industrie. C'est en gros, au moment où publiquement il y a eu les médias, il y a eu l'État français qui a dit les nuages n'est pas passé. Les gens qui ont fondé la CRIRAD l'ont fondé justement pour répondre à ce manquement fait par l'État. Et eux répondent clairement, montrent très bien, ils exposent très bien, j'ai pas les connaissances de leur connaissance et je suis pas du tout scientifique là-dessus, il faut bien comprendre, je suis juste réalisateur. Et je pense que la plupart des militants, quand ils viennent à Bure, quand les gens viennent à Bure, qui ne sont pas scientifiques ou qui n'ont pas compris le problème scientifique que pose le nucléaire et ses déchets, c'est déjà le fait de dénoncer. C'est-à-dire qu'on sait que les scientifiques, indépendants, nous ont dit que ça pollue, que ça contamine. Ça peut provoquer des cancers, des leucémies, etc. Quand on prend les taux de leucémie ou des cancers de thyroïde autour des centrales, c'est juste ça explose les chiffres comparés à des lieux où il n'y en a pas. Quand on sait qu'il y a ces problèmes-là, quand on voit que Bure commence à être mené, c'est-à-dire que si je voulais vraiment de la vraie information sur comment ça s'est mené du début à la fin, j'aurais pas le temps de tout dire par rapport à ce qu'il y a dedans. Et j'ai sûrement pas toutes les connaissances de ce qui est par rapport à ce qu'il y a dans ce bouquin, par exemple. Mais dans tous les cas, nous, ce qu'on fait, c'est déjà dénoncer le fait qu'il y ait de la malversation, de la pression, qu'il y a de la répression, qu'il y a de... Nous, ce qu'on fait, c'est déjà ça. Après, la question de qu'est-ce qu'on en fait, moi, j'ai mon point de vue. Mon point de vue, il est de dire que, déjà, pas comme ça. C'est pas le seul enfouissement qui a été réalisé à l'heure actuelle. Il y en a eu d'autres avant, dans différentes conditions, c'est-à-dire souterrain, c'est-à-dire c'est pas même sous-sol. À ceux en Allemagne, dans les mines de Sainte-Benken en Suisse, derrière aux États-Unis, il y a une quinzaine d'exemples de projets d'enfouissement et ça a fui. Et pour autant, quand le projet BUP aux États-Unis, où Areva avait mis de l'argent, j'avais fait la visite du musée du laboratoire, donc à côté d'un petit musée, et du coup, on a fait la visite, c'était le jour-là, on faisait la visite, et ils s'amusaient à vanter le projet BUP aux États-Unis, c'est le petit frère de Bure, c'est la petite sœur de Bure, prenez-le en exemple, le projet BUP aux États-Unis. Donc ça a été lancé en 1995, ce projet, ils avaient commencé à faire des déchets. Je crois qu'il y avait même peut-être du plutonium, mais je ne suis pas sûr. Et du coup, au bout de 15 ans, ça a pris feu en février 2014. Depuis 2014, tous les gens qui ont fait la visite du musée à Bure n'entendent plus parler du projet BUP aux États-Unis. Ils se gardent bien de le cacher maintenant à l'heure actuelle, même s'ils ont mis de l'argent dedans. Et ils n'exposent pas forcément pourquoi, ils n'en parlent plus. Il y a eu un camion qui a pris feu, les déchets, en gros, c'est devenu un gros bordel, c'est impossible à... C'est-à-dire que, après, c'est comme à Tchernobyl ou à Fukushima. Quand il y a une explosion, quand il y a une émanation, c'est-à-dire qu'il faut payer des gens pour essayer de voir juste ce qui se passe. faire des relevés de ce qui se passe. Et ces gens-là, il faut savoir qu'ils vont avoir des... ils vont être contaminés. C'est-à-dire qu'ils vont développer des cancers. Qu'ils vont... Il y a des très bons bouquins qui montrent, par exemple, les conséquences de Tchernobyl, les conséquences de Fukushima, que en bout de deux semaines, les gens meurent en vomissant leur intestin, en vomissant... Il y a des très bons bouquins qui l'expliquent. Mais par là, nous, on essaie déjà de montrer que c'est pas le seul qui a été... à l'heure actuelle, il n'y en a que deux qui sont en cours de réalisation, c'est en Australie et à Lyon. S'ils le font, et c'est pourquoi ils veulent le faire, c'est vraiment planquer le truc, les mettre en sous-sol, on plante le truc, et on s'occupe pas de la radioactivité. Nous, ce qu'on veut, déjà, moi, ce que je veux surtout, et là, c'est, je prends plus ma position, je pense qu'à la maison, il y a beaucoup de gens, du côté de mur, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ma position, c'est déjà les inviter à éviter de dépenser 1 milliard d'euros en compensation d'un laboratoire, et que ce milliard il soit déversé dans plusieurs recherches, et pas qu'une seule, qui est que le souterrain. Regardez les financements de... Alors, je sais pas les chiffres, mon frère, les j'ai pas pris ces petits pense-bêtes. Le chiffre du financement de l'année dernière, je sais plus, ça monte à plusieurs dizaines de pourcents par rapport au budget investi dans le souterrain, et quand on regarde le budget investi dans la subsurface et dans la surface, il est juste ridicule. Et je parle même pas de la comment ça s'appelle, là. Comment ça s'appelle, la... Réversibilité. Non, la... Quand on essaie d'annuler les radiations d'une matière radioactive, c'est là. Cosmutation. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en Belgique, il y a un laboratoire qui est en Europe, qui est un des plus avancés dans ce domaine-là. Mais pour autant, c'est d'essayer de rechercher, de réduire au minimum de moitié l'émanation radioactive de la matière. On voit juste les financements de ça, en France, par rapport à ça. C'est juste ridicule comparé aux autres modes. Et que aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils... C'est-à-dire qu'ils ont dû rentrer les mains, ils ont vu qu'il y avait un laboratoire, ils savaient très bien, dans les 15 départements, j'ai dit au début, dans les 15 départements qu'ils ont démarché, ils sont venus, les militants de ces 15 départements, en disant, attention, vous allez accepter un laboratoire, vous aurez un sang d'enfouissement. Nous, on ne nous a pas présenté les choses de la même façon. Nous, on nous a présenté comme étant un sang d'enfouissement. Donc faites attention, si vous avez les acceptés de laboratoire, c'est pour ça que les gens étaient opposés au laboratoire avant les années 2000. Après, ils étaient opposés au projet. Maintenant, on est opposé au projet. Moi, je ne suis pas contre le laboratoire, je ne suis pas contre la recherche. Justement, j'aimerais bien qu'ils recherchent. Mais j'aimerais bien qu'ils recherchent pas qu'une seule solution, j'aimerais bien qu'ils recherchent plusieurs solutions. Et qu'ils arrivent au gouvernement, comme le fait Longuet de façon assez malsaine, en n'ayant qu'un seul dossier, une seule proposition, et en disant, regardez, c'est dur ou c'est dur. Et maintenant, vous décidez. Mais quelle proposition tu aurais, toi, puisque ce n'est pas l'enfouissement? Moi, les déchets sont à l'heure actuelle à 70% ils sont à la surface. Ils sont à la surface, à 70% à l'heure. Ils sont dangereux. Ils sont aussi, on peut les retrouver, nos déchets français, on peut les retrouver ailleurs. Il faut savoir comment. Pas plus ou pas moins dangereux? Il faut savoir. Je pense que dans le dossier d'enfouissement, bon, la première question, c'est évidemment d'arrêter de produire des déchets. Donc, ben ça, oui. C'est un autre point. Mais dans la question de l'enfouissement, il y a deux choses. Premièrement, qu'à 500 mètres sous terre, rien ne nous dit que dans 1000 ans, dans 500 ans ou dans 10 000 ans, il n'y aura pas des accidents, parce que les conteneurs qu'on est capable aujourd'hui de réaliser, rien ne prouve que dans 500 à 600 ans, puisque ce sont des déchets à 10 millions, pas des déchets radioactifs à 10 millions, ils seront toujours efficaces pour protéger contre la radioactivité. Donc ça, c'est à l'heure de croire qu'on va pouvoir enfouir, sans risque, des déchets comme ça. Le deuxième, c'est qu'il y a le principe, ce que l'État a dit, il y a le principe de la réversibilité. C'est-à-dire que si dans 100 ans ou dans 200 ans, on trouve la solution pour justement pour enlever la toxicité de ces produits, on ira les rechercher, on les traitera. Donc, comment on... C'est aussi à l'heure que dénoncent les gens de Bure en disant comment peut-on aller rechercher des choses qui seront enfouies en ne sachant pas très bien dans quel état ils seront, des déchets dans 200 ans ou 300 ans pour essayer de leur enlever la toxicité. Donc le fameux argument que défend Longuet et que défendent les autres, c'est de dire l'enfouissement permet la réversibilité, ce qui est à l'heure qu'aujourd'hui il n'y a aucun scientifique qui dit que c'est faisable. Et puis le troisième, alors c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont stockés en surface, la plupart sont stockés en surface. C'est pas une solution, le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a pas d'autre solution que le stockage en surface. Parce qu'au moins en surface, on les a sous les yeux. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais on peut les surveiller, que dans l'enfouissement, on ne surveille plus rien, on ne contrôle plus rien. Donc aujourd'hui, plutôt que de dire de, on va enfuir à 500 mètres sous terre avec des conditions qu'on est incapable de dire que si pour l'éternité ils sont capables d'être efficaces, eh bien aujourd'hui on laisse les choses à l'état en surveillant et tant qu'on aura trouvé, tant qu'on n'aura pas trouvé une solution. Mais aujourd'hui on n'a pas d'autre solution que de les surveiller en surface. C'est ça le problème. Moi, je trouve quand même que la question, comme elle est posée, elle est perverse. C'est-à-dire que c'est, on demande à ceux qui se défendent, qu'est-ce qu'eux, ils proposent. C'est quand même à ceux qui ont fait le crime d'expliquer pourquoi, quelle est la solution qu'ils proposent. Ils n'en ont pas. Voilà, mais ils n'en ont pas. Alors on ne peut pas accuser à ceux qui disent, mais attention, moi, je ne veux pas de la merde chez moi, ou je ne veux pas de la merde pour mes enfants ou pour mes petits-enfants. C'est pas eux qui sont responsables. Et ce dialogue, on l'entend en permanence. Dire alors qu'est-ce que vous proposez ? Mais c'est pas moi à proposer. Moi je propose qu'on enterre sous l'Elysée, par exemple. C'est une solution. Voilà. Dans le film, on voit bien qu'à un moment, il y a un scientifique qui dit que. Nous, on n'est pas des scientifiques, évidemment, on parle comme ça. Mais il dit que pour être sérieux, il faut avoir des billes scientifiques. Et je pense que. Nous, on sait ce qu'on ne veut pas. Et voilà. C'est pas nous. Nous ne sommes pas des scientifiques pour dire voilà quelle serait la solution. Et je pense qu'aujourd'hui, la recherche est faiblement, comme on disait, mais il n'y a pas beaucoup de recherche pour dire comment on peut faire en surface. Et le fait de dire on va les enfuir, c'est l'autruche. Hein, parce que bon, c'est vrai que ça coûte cher. Mais ça coûte, c'est rien par rapport aux enjeux financiers, économiques, même l'argent qui est dépensé pour CGO, pour le laboratoire, pour développer localement les villages, c'est rien par rapport aux enjeux financiers des déchets nucléaires. Donc aujourd'hui, comme je dis, ce n'est pas à nous. Nous, on sait ce qu'on veut pas, mais après, on n'est pas assez puissant pour dire c'est telle solution qu'il faudrait ou qu'il ne faudrait pas. Mais parce qu'ils n'ont pas la solution. Non, ils ne savent même pas comment faire pour démanteler les centrales nucléaires. Nous, c'est ce qu'on dit, c'est vraiment ça. Ça prend distance. Moi, je défends pas deux. Oui, ils disent qu'il faut l'enfouir à 500 mètres dans l'argile du Crétacé du Jurassique inférieur à 500 mètres. Cette argile-là, elle est dans les connaissances scientifiques actuelles. C'est eux qui le disent. Les géologues, le BRGM et tout ça. Par conséquent, ils disent que c'est la meilleure solution pour l'instant. Bon, en Australie, ils ont le désert, ils peuvent faire un trou dans le désert, il n'y a personne. Là, il y a un petit village, c'est une zone faisable. C'est la réponse qu'ils donnent. Je parlais tout à l'heure des boues rouges, qui sont qui sont pas radioactives, ça crée déjà une crise au sommet parmi toutes les autres, ça s'accumule, ça en vient de plus, ça c'est une accumulation de plus. Ils ne savent pas comment faire pour les boues rouges. Ils disent, il y en a une qui dit on arrête l'usine. Donc par conséquent, il y a tout un village Gardanne qui est foutu puisqu'ils vivent de l'usine, tout le monde. Les prolos, moi je l'ai vu dans le film, ils disent mais oui, on est devant une situation où on n'est pas content, mais nous on en vit. Donc c'est le problème de l'emploi, absolument. Alors, donc on se trouve dans cette situation-là, où on joue l'emploi, où on joue... Pour arrêter la production, il y a une usine, vous savez, qui est en train de passer dans la production scientifique, on est en train de construire une usine expérimentale qui coûte aujourd'hui des milliards à Cadarache. ITER, c'est ça, qui propose d'éliminer la fission pour remplacer par la fusion. Par la fusion, c'est-à-dire on passe à une production d'énergie possible grâce à une méthode qui ne produira plus de déchets dans des quantités. Il y aura des déchets. Moi j'ai lu le dossier, j'ai visité le dossier, c'est il y aura de la radioactivité parce qu'on ne peut pas l'éviter, mais dans des dimensions qui n'ont rien à voir avec les déchets actuels que l'on veut enfouir en catimini. Alors à Bure, il y a 90 habitants, il y a de l'argile à 500 mètres, c'est la meilleure solution. C'est chaud. Si je ne suis pas pour, ni je veux savoir comment il faut faire avec ces putains de déchets qui sont là sous nos yeux. Vas-y, peut-être, monsieur. Sur le rêve, où est-ce que tu veux en venir? je voudrais savoir si on a une solution. Quel est le gouvernement qui ferait... Tiens, voilà une bonne solution. C'est une bonne question. Quel est le gouvernement qui pourrait jouer la bonne carte démocratiquement avec la question? J'ai pas la réponse. Je ne peux pas vous dire voter pour telle ou telle personne. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça viendra automatiquement par le bon sens. C'est-à-dire que comprendre que les rapports ont été comprend par rapport par exemple les rapports qui ont été pondus dans les années 70 quand ils ont démarché, quand ils ont arrêté de les mettre dans l'eau. Les premiers rapports qui ont été, donc il y a eu déjà des analyses de faits dans les sous-sols. Paraît-il que le meilleur sous-sol en France, c'est le massif central dans le granit. Il faut savoir que à Bure, ils donnent l'exemple, par exemple, ils donnent des bouts d'argile. Alors l'argile, on le met dans un verre d'eau, ils font direct. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont devenir les déchets? C'est-à-dire qu'ils seront entourés dans, ils seront dans de l'eau. En gros, ils n'ont pas de problème de les mettre dans la manche, je pense. On les remet dans l'eau. Alors, ok, on a compris que ça ne pouvait pas forcément contenir, mais il y a une interaction avec eux. Seulement, si ça fuit, il faut savoir que la nappe phréatique qui est à côté de Bure communique avec la nappe phréatique qui alimente 6 millions d'habitants à Paris. Déjà, premier, c'est pour ça qu'on n'a pas, nous, dans la tuile, on n'a pas du tout exposé. Si vous voulez vraiment des raisons scientifiques, allez voir la CRIRAD, lisez ce bouquin et vous aurez sûrement beaucoup plus de réponses par rapport à ça. Moi, je pourrais les exposer pendant des heures. Je ne sais pas si on a réellement le temps de pouvoir discuter sur chaque point. Est-ce que c'est ça, c'est mieux, etc. Est-ce que l'argile, c'est moins, c'est plus. Il y avait ici de réellement trouver une solution. Maintenant, c'est. Je termine juste là-dessus. Maintenant, c'est les inviter. C'est-à-dire, c'est nous, en tant que population, à les inviter. Est-ce qu'eux recherchent et proposent d'autres solutions? Et ce que je veux dire tout à l'heure, c'est la transmutation. La transmutation, quand on voit les financements qui sont faits dans la transmutation, donc c'est réduire de moitié la radioactivité, le financement est ridicule de la transmutation. Pour autant, ça c'est pour moi la seule solution qui serait viable. Seulement, j'aimerais bien que dans les universités, dans l'école des mines, parce que c'est principalement les gens qui travaillent en nucléaire viennent de l'école des mines, j'aimerais bien que dans ces écoles, au lieu d'apprendre comment fonctionne ou comment améliorer et comment ressortir un nouvel EPR qui serait inconstructible, eh bien, j'aimerais bien plutôt qu'ils financent des études pour que les jeunes trouvent des solutions. Je ne veux pas être pessimiste en disant qu'on n'en trouvera pas de solution. J'ai envie au moins de garder un minimum d'espoir pour en me disant, eh bien, essayons réellement de le faire d'un point de vue national. Comme ça, au moins, l'industrie ne sera pas juste sale du début à la fin. Elle aura un minimum de quoi sortir la tête en disant, regardez, on finance au moins des recherches et on le finance autant que ça. Oui, moi ce que je voulais dire, il faut quand même faire attention, il ne faut pas parler d'être contre l'enfouissement à Bure, il faut être contre l'enfouissement, parce que là quand tu dis le massif central, presque on a l'impression qu'on peut le déplacer. J'ai l'impression qu'ils veulent nous faire croire que des produits dangereux, à partir du moment où on les enfouit, ils ne le sont pas. Ça me fait exactement penser la même chose que pour les carcasses de poulet, on les a réduits en poudre, d'un coup, paf, il n'y a plus de protides dedans. Donc il faut qu'ils arrêtent quand même quelque part de nous prendre pour des imbéciles. Donc l'enfouissement, que ce soit à Bure ou ailleurs, non, c'est pas la solution. Moi j'avais une question sur les images qu'on voit de l'action de blocage du train où les mains sont bloquées. Et du coup je me disais, mais quand tu fais une action, quand tu utilises des tubes et tout ça, tu as la possibilité de retirer ta main. Donc, non, parce qu'elles sont attachées par un cadenas et bah, après c'est une méthode qui a été arrêtée. Hein. Pour plusieurs raisons, j'ai eu aussi un mort en Lorraine qui a eu un ami de la maison. Un jeune qui à l'époque avait, c'était en 2009 je crois, 2007, je ne connais pas les dates, désolé, hein, je suis un peu fatigué aussi, mais les dates j'ai du mal à les retenir, mais il y a eu, donc c'était Sébastien qui était, ils avaient fait une action où ils avaient bloqué le train une fois à Nancy et le train était devancé de 2 km par un hélico, seulement ben, un blocage du train, du coup l'hélico décide de faire un ravitaillement au niveau de l'essence, le train décide de repartir sans l'hélico devant et il y a eu un deuxième blocage et l'ami n'a pas pu se détacher à temps en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient réussi, ils étaient quatre à bloquer le train à ce moment-là sur le deuxième blocage et ils n'avaient pas réussi à s'enlever au bon moment. Du coup, il est mort de suite de l'accident. Mais depuis ces événements, en fait, il y a totalement un arrêt total de. En France, c'est pas la même chose que faire un blocage en Allemagne. En Allemagne, on peut encore bloquer les trains parce que le militantisme fait qu'on va publiciter. Le fait qu'on va bloquer, c'est-à-dire que les flics auront l'info. Dans tous les cas, les flics auront l'info. Donc, automatiquement, quand on va arriver sur le blocage, eh ben, on va voir les flics un peu plus loin, on va faire le truc, ils vont nous laisser faire, le train sera bloqué, eh ben, on pourra partir. Je ne sais pas si à l'heure actuelle, il y a encore des blocages en Allemagne, mais dans tous les cas, c'est un peu plus. On va dire le militantisme en France est devenu un peu plus violent, et enfin, la réaction des, pas de militantisme, mais les réactions des policiers, la réaction de l'État est devenue beaucoup plus dure. L'exemple en est de Rémi Fraisse. C'est pour ça que. Et les blessures, elles sont dues à quoi là? Alors en fait, c'est parce que. Il m'a raconté, c'est. En gros, ils étaient attachés, et pas trop loin, il y avait même des arbres, enfin, etc. Il y avait des potes qui filmaient. Et du coup, ils avaient commencé à bloquer, donc les flics CRS sont arrivés. La première réaction des CRS, c'est on veut pas d'image. Donc en gros, ils bâchaient les CRS autour, en tenant une bâche, donc à environ 2 mètres de haut, tout autour de la scène. Et à ce moment-là, donc, un copain a voulu monter sur un arbre pour essayer de filmer la scène de haut, donc avoir des images de ce qui se passait à l'intérieur. Le copain s'est fait prendre par les pieds, s'est fait jeter au sol, caméra, etc. Mais ils ont quand même réussi à récupérer l'image. Elles sont difficilement accessibles, ces images, mais dans tous les cas, on peut les retrouver, je pense, sur Internet. Et du coup, il a été, dans tous les cas, enlevé de l'arbre avant qu'il commence, en fait. Donc normalement, les scies qu'ils utilisent, c'est des scies qui, au contact de la peau, c'est comme en chirurgie ou... Au contact de la peau, en fait, c'est des scies circulaires qui, au contact de la peau, pop, s'arrêtent. Le problème, c'est que là, il y a eu une défaillance. Et il était comme ça, il s'amusait, il regardait, puis copain qui criait, qui saignait, qui voyait son tournoi en train de se faire déchirer, puis qui continuait, ça durait 5 minutes comme ça, en fait. Il aurait pu très bien l'arrêter, prendre une pince et passer autrement, seulement la volonté était d'être violent à ce moment-là, en fait, de vouloir faire un message fort pour pouvoir éviter qu'il y ait encore ce genre de truc. Ça a été clairement le truc. Bon, après, sur le copain qui est mort en Lorraine, paraît-il, bon, d'autres certains disent que les flics étaient au courant, d'autres non, bon, ça, je veux pas lancer la polémique là-dessus, mais sur cette histoire, clairement, il y avait eu une volonté des flics de... Vous avez employé le mot torture dans le film, oui. Il s'est pas fait sectionner la main en 10 secondes, il s'est sectionné la main sur plusieurs minutes. Ouais. En même temps, il essayait de couper, en même temps, il savait qu'il y avait du sang derrière, donc il y avait une fonction. Ouais. En gros, c'est la scène où on a commencé à passer un peu. Moi, je vais juste revenir sur l'histoire des déchets, tout ça. Il y a eu, je pense que dans les années 90, il y avait un projet de stockage de déchets nucléaires pas loin d'ici, à Miramas, où on habitait. Et alors, pareil, ils ont construit une voie ferrée, il y a eu des blocages, tout ça. Bon, après, la position des militants, pour l'instant, il y a Pierre Latte, ils ont l'usine, ils laissent les gardes, et puis on les laisse sur place, hein, et puis on ne s'amuse pas à créer, à envoyer des déchets partout chez des gens qui veulent pas. C'est peut-être un peu égoïste en soi, pour revenir à ce que tu disais, mais bon, ils sont là. À Pierre Latte, il n'y a pas eu des grandes oppositions, les gens ils étaient contents, c'est un peu con de dire ça, mais c'est tu les produis, tu les laisses sur place, et tu n'abuses pas à créer 50 000 endroits, donc 50 000 endroits dangereux, au lieu, on en a déjà 100, c'est pas la peine d'augmenter le nombre, quoi. Finalement, les blocages avaient plus action juridique, ça avait servi, puisque ce dépôt ne s'est pas fait, quoi. Donc là, aujourd'hui, il reste une petite voie ferrée qui va nulle part. Ouais, j'avais vu, moi, une personne, alors qu'on a été diffusé notre film à Réunion, on avait une personne de la PAC qui était venue. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai dit ça, c'est dans les solutions, c'est vrai qu'on peut les laisser, elles sont déjà, ils contaminent malheureusement cette zone. Et la femme m'a répondu, qui habite à Lague, elle m'a dit, mais vous pensez aux gens qui sont là-bas? ça me révolte justement. Mais le problème, il est qu'ils contaminent une zone. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on n'est pas contaminé. Les zones de contamination. Ouais. C'est un choix, mais pour moi, c'est pas forcément le bon choix que d'essayer de la transmutation. Pour moi, c'est essayer de mettre le maximum d'argent, le maximum d'étudiants là-dessus pour vraiment trouver de vraies solutions. Après, ce qu'ils ont aussi commencé par le problème, c'est que tu parles de la Hague, Cherbourg est quand même une grande ville et qui est juste à côté. Ouais. Tout ces temps de la Hague, c'est des barbelés partout qui passent pas. Quand tu connais un petit peu, c'est vraiment très grand. Et tu arrives à 5 km, tout est déjà fermé. L'idée des dirigeants aussi, c'est de dire qu'il y a des coins, il n'y a personne. Ils ont fait parler pour le Larzac. À la télé, ils avaient montré que des cailloux, ils n'avaient pas montré qu'il y avait des agriculteurs, des jeunes qui s'étaient installés, qui étaient vachement dynamiques. Non, ils ont montré que les cailloux, à droite, à gauche, vous voyez, il n'y a personne, on peut faire un camp militaire. Là, c'est pareil, c'est une zone de flou. Effectivement, il y a une zone qui traverse la France qui est sous-peuplée, hein, qui passe par le Massif central, qui va jusqu'à la Meuse. Et mettons ça là, en plus, on n'aura pas beaucoup d'opposants, et puis ils ne sont pas nombreux. Alors, effectivement, ça peut être un argument, mettons-les à la campagne, au lieu de les mettre en ville. Quoi. À La Hague, c'est un bout du plateau qui est carpenté, il n'y a pas de maison. Ouais. Ça, c'est, et tu as la ville à côté. T'as la campagne à côté. Mais au moment donné, ils ont tout été d'accord pour le faire en ville. Alors. Oui, pour en revenir à la question, est-ce qu'on a des solutions pour les déchets, etc. Moi, ce que je trouve important dans toutes ces luttes sur les déchets, tu l'as dit déjà premier temps, que dans les écoles, ils réfléchissent aux solutions, parce qu'effectivement, c'est là que ça doit commencer. Et moi, je vais encore un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que surtout maintenant, avec le recul, quand on a envie de faire un truc, on trouve la solution qui va avec, avant même de commencer. Parce que là, on se retrouve avec des déchets sur les bras dont on ne sait plus que faire. Mais le prochain truc qu'ils inventent, quand ils inventent le poison, ils inventent le contrepoison qui va avec. Et puis s'ils n'ont pas le contrepoison, ils gardent le poison encore un peu sous coude. Et les poissons ne peuvent évidemment venir que des militants et des anti-nucléaires et des anti tout ce qu'on veut. Quoi. Il y a eu deux luttes qui ont été positives dans la lutte anti-nucléaire en Europe. C'était Gorleben, en Allemagne, où c'était un centre d'enfouissement qui, pareil, à peu près dans le Meios, c'était à peu près le même projet de mur. C'était quoi ça ? C'était il y a 30, 40 ans. Ah, c'est dommage, parce qu'il y en a 80, un copain qui a participé, qui est allemand et qui vit à Marseille, qui a participé à ces luttes-là, qui aurait pu en parler, mais il est parti. Tous les ans, il y a les moyens d'aller à Gorleben. Pendant 15 ans, la lutte a eu du mal à démarrer. J'aurais sûrement moins d'informations que lui. Du fait aussi que je n'ai pas été. On m'a raconté surtout des gens qui ont été. Ça a mis au bout de 30 ans, en fait, ils ont réussi à réinvestir la campagne, à redonner vie à la campagne par des métiers locaux, par une vie sociale, une vie locale, etc. Et du coup, ils ont réussi à avoir le refus, au final, d'avoir les déchets stockés en souterrain. Par contre, ils ont quand même un stockage en surface. Mais ils ont quand même réussi, qui était quand même le pire, de les mettre en souterrain. C'est-à-dire là, pour l'instant, ils ont quand même la surface, mais ils peuvent au moins les avoir sous les yeux, savoir s'il faut changer le colis, savoir quoi faire avec les matières, en fait. Et au final, ça a été positif. L'autre, c'était une centrale nucléaire que vous lancez en Suisse et qui ne s'est pas lancée. Qui a jamais commencé, qui a terminé en parc d'attraction pour enfants. Dans le nucléaire, après je viendrai sûrement d'autres, mais j'ai peut-être pas assez de connaissances. Alors revenons sur l'Australie, ce que vous dites, justement, où il y a personne, justement, il y a une énorme communauté aborigène là-bas. On a eu des aborigènes qui sont venus à la maison. Moi je viens d'aborigène quand j'étais permanent 7 mois à la maison, et j'ai eu un aborigène qui était venu et qui a eu l'idée de la maison de Bure comme étant novatrice et exceptionnelle. Du coup, il est reparti dans l'idée de faire pareil là-bas. Et je crois que ça s'est lancé plus ou moins l'idée. En 2014, ils avaient déjà. Donc, je ne sais pas quand le projet avait été lancé. C'est à côté de la ville de Mukati. Donc c'est au centre de l'Australie, au nord de l'Australie. On est peut-être à 200 km ou 300 km de l'océan. Là, on est entouré des deux plus grosses mines d'uranium au monde. Là, en fait, l'État australien avait dit publiquement, si aucun pays n'a de centre d'enfouissement, donc normalement, ceux qui doivent avoir un centre d'enfouissement ou un projet de ce type-là, c'est ceux qui ont une activité nucléaire chez eux. Donc si aucun des pays qui a une activité nucléaire chez lui, qui n'a de centre d'enfouissement chez lui, avant le nôtre, on récupère tous les déchets. On se propose de récupérer tous les déchets mondiaux qu'on stockerait en la Mukati. Au même moment, donc là, il y avait un ami qui était parti là-bas, qui avait lancé un film qui est sorti, que je ne pourrais pas vous donner le nom, mais où est-ce que je l'ai vu derrière? Comment il s'appelle le réalisateur? Non, justement, la mine s'est retirée du projet parce que la réalisatrice a eu volonté de détourner un peu le sujet du film, parce qu'à l'époque, donc en 2014, ils ont reconnu les droits des aborigènes de façon plus importante. Je mets toujours ça entre guillemets, c'est parce qu'en fait ils ont reconnu le fait que sur un gros projet, les aborigènes ont le droit de regarder le dossier, ont le droit de fixer un prix, et stop. Ils n'ont pas le droit de dire oui ou non dans tous les cas. Mais par contre, d'un point de vue législatif, ils ont quand même réussi à intégrer ça dans la Constitution. Ce film-là, je ne saurais pas vous dire son nom, difficile. Si je peux vous laisser mon mail et du coup vous laisser je pourrais peut-être vous envoyer l'information du film. J'ai vu dernièrement, je ne sais plus où. On a diffusé le film dernièrement, je ne sais plus où, et du coup j'avais vu en diffusion. Ah, c'était à Colmar. Mulhouse. Et donc il est sorti depuis cette année, il fait des cinémas un petit peu. Et du coup, le film traite du nucléaire, mais aussi traite des droits des aborigènes aussi. Et les copains, ça lui a pas plu dans le sens où lui, il voulait vraiment que ce soit vraiment proprement sur le nucléaire, parce que en dehors des droits des aborigènes qui sont assez hallucinants, le nucléaire est encore pire comme industrie. C'est-à-dire eux, à l'heure actuelle, donc en avril de cette année, ils étaient au stade de débat public. Nous, c'est en 2012, mais je pense qu'ils vont rattraper, ils vont nous rattraper assez rapidement. C'est-à-dire que je pense d'ici fin de l'année, ils auront déjà passé le stade, ils seront peut-être en phase de rendre des dossiers et l'autorisation, je pense, d'ici un an ou deux. Après, je suis pas clairement en relation pleinement avec eux, mais dans tous les cas, je pense qu'on n'en est pas loin qu'ils soient plus rapides que nous, dans tous les cas. Nous, dans l'agenda de l'Andra, c'est 2000. Ils ont le test à l'échelle 1 d'autorisé, du coup, 2000. Ils ont refusé de le faire, mais 2017 c'est l'autorisation. Pourquoi ils ont repoussé de 2015 à 2017 les élections présidentielles, bizarrement? Ils savaient que sur Londres ils ne les auraient pas parce que Londres les Royales étaient contre, plus ou moins contre, ce projet d'enfouissement dans leur département, dans les 15 départements. En fait. Ouais, ils étaient contre Fessenheim aussi. Hein. Oui, oui. Ils s'étaient engagés à fermer Fessenheim. En juillet 2014, on a dit. Ah, ouais. Mais du coup. Du coup, ils savaient que sous Hollande, ils n'auraient pas son enfouissement. Du coup, ils ont repoussé à 2017, ils se sont dit changement de président, on va essayer de travailler financièrement le prochain. 2020-2025, arrivé des premiers colis. Entre les deux, test à l'échelle 1. Même s'ils ont autorisation, ils n'ont pas voulu la lancer à l'heure actuelle dans le labo. Ils veulent attendre l'autorisation du projet pour pouvoir lancer le test à l'échelle 1 et ensuite arriver les premiers colis en 2020, à peu près. Et en gros, c'est 120 ans d'activité. En reparlant même aussi des boulots créés de n'importe quelle industrie, en fait, surtout par rapport au nucléaire, mais le rapport de l'ADEME, et pas que ce rapport-là, il y en a un autre dont je n'ai pas retrouvé le nom depuis hier soir, c'est des organismes normalement indépendants, étatiques, qui ont pondu un rapport en disant que en 2030, la France pourrait se passer entièrement du nucléaire. 2018 pour les Danois, 2030 pour les Allemands et 2050 pour les Français. En arrêtant les centrales, on peut les arrêter. Hein. Les centrales, c'est pas le problème de l'arrêter. Hein. En termes de production électrique, c'est le plus mauvais rendement. En termes de prix, c'est le plus cher. On paye pas tout en fait. Nous, ce qu'on paye dans nos factures, c'est juste l'activité de la centrale. Ça, personne ne dit, peu de gens le savent, mais on paye juste l'activité. On paye pas la préparation de la part d'uranium de l'extraction qui ne se fait plus en France, qui vient par exemple d'Australie. Là, on a signé le Niger, on savait qu'ils ne pouvaient pas taper sur le centre d'enfouissement appelant, du coup, ils ont tapé sur le Niger. Mais voilà, ça vient d'Alger, ça dure 10 ans, ça, on ne paye pas. Et si on le payait, ça coûterait deux fois plus cher que tous les modes de production électrique qu'on connaît, d'énergie qu'on connaît à l'heure actuelle. Ça, c'est ce que dit. Ces faits-là sont depuis le début. Depuis l'an dernier, l'industrie nucléaire, c'est comme ça. En gros, tous les pays peuvent s'en passer assez facilement. Le Japon, depuis Fukushima, ils avaient arrêté pendant un an. Ils avaient proposé des actions populaires en disant, par exemple, si vous arrêtez votre box internet la nuit, quand vous ne l'utilisez pas, vous allez économiser. Ils ont compris qu'en un an, ils économisaient un réacteur nucléaire. L'utilisation d'un réacteur nucléaire juste en éteignant la boxe. Donc toutes les veilles, etc. etc. Déjà réduire notre consommation. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut s'en passer assez facilement en fait. Seulement, c'est qu'est-ce qu'on fait toujours pareil, les déchets. Moi, j'ai pas la réponse, eux le vont plus facilement que moi, mais voilà. Je fais plein de discussions, désolé. Moi j'avais une question sur la milice privée de l'endroit, est-ce qu'on a. Ah bah d'ailleurs on est dans la ville. Vous savez à peu près ce que ça veut dire. Alors, il y a eu des choses. Ah oui, je ne vous ai pas dit aussi, mais il y a eu aussi deux accidents au laboratoire de l'engin. Il y a eu un mort au début, à la construction, c'était une machine qui était tombée dans la zone où ils descendent les machines avec un pseudo-ascenseur. Mais il y a eu un mort à ce moment-là. En début d'année, on a connu un mort en début d'année dans le laboratoire. En fait, ils ont comment continuer à creuser. Pour le labo, en fait, ils faisaient une nouvelle galerie. Le laboratoire s'est pas arrêté pour autant, ça ne les arrête pas, ça. Le problème, c'est que c'est de l'argile, donc ça s'effondre assez facilement. Et là, ça s'est effondré sur le côté. Et donc, un des salariés de laboratoire a été mort cette année en début d'année. Pour vous donner aussi l'exemple de la fiabilité. Donc, c'est aussi l'entreprise qui est normalement la plus puissante en France par rapport à la plus intelligente normalement dans le domaine de l'enfouissement. Mais bon, là, c'est un exemple encore en plus, comme quoi on est encore dans l'erreur de faire aussi dans l'argile. Mais sur donc, la mise privée, bah, bizarrement, on est dans la bonne ville. Hein, dans la bonne ville, l'entreprise s'appelle Honnête. Les salariés viennent principalement de Marseille. Le bon export. Voilà, on vous donne du boulot. Alors, l'histoire avec la pression, etc. Donc, c'est normalement, ils sont normalement un peu plus cool, ces gens-là. Même si le mec que je vous ai dit tout à l'heure, le Mayem Hans, là, il a toujours ses deux sbires autour de lui. Donc, eux, je pense, c'est des contrats plus longs. C'est toujours des crânes rasés, anciens militaires, enfin, ce qu'on veut, comme personnes qui ont du sang sur les mains et qui ont peut-être encore envie d'en avoir. Il y a, en gros, on avait comptabilisé une douzaine de personnes annuelles qui étaient là. Depuis qu'il y a eu plus de monde à la maison, plus de monde aux alentours et plus de militants, plus d'actions à dur, on en a compté 25. Un ami même s'est fait agresser dernièrement, enfin, on a eu des actions où ont été très violents. Pour autant, moi, j'avais discuté avec le chef de la gendarmerie, parce que mon frère a la carte de presse, du coup, je me cache derrière sa carte de presse pour essayer de passer bien, sachant que je peux plus courir, enfin, plein de choses, je peux plus courir, du coup, je sais que moi, je suis juste en diversion et je fais de la caméra, en gros. Et du coup, ben, je m'amuse un peu à leur parler pour essayer de comprendre, je balance rien de... C'est juste que, justement, j'essaie de faire des anti-militaires chez Fifty. Pour autant, c'est pas impossible. Mais bon, ceux qui mettent à mur, c'est quand même des convaincus. Hein. Pour les locaux, les gendarmes locaux. Ils obéissent. Pour les gendarmes locaux, on a reçu ça avec certains, ils étaient quand même assez sensibles parce qu'il y en a qui se baladaient dans les bois, qui étaient en train de bosser, qui me disaient que c'est un peu. Parce que moi, j'allais de temps en temps dans les week-ends. C'est des mecs en uniforme, ils obéissent. Et la dernière, on poussait même, je donnais même les exemples. Ils peuvent être super sympas, et un jour, on leur dit de tirer sur les manifestants, ils vont tirer sur les manifestants. Peut-être certains diront non, mais on apporte la majorité de ça. Chez eux, je doute. Mais dans tous les cas, dans des réflexions, ça a duré des fois une heure de discussion avec eux, et la finalité a toujours été la même. On a des ordres, etc. Mais dans tous les cas, on a eu quand même des gens qui ont, en parlant des gendarmes qui sont obligés de faire des transports de matières relatives. On a eu un ancien CRS qui était dans une projection de notre film et qui nous a dit je sais ce que j'ai pris dans la gueule, j'ai fait ça pendant 40 ans. Ces mecs-là, en général, démissionnent, s'en vont à 30 ou 40 ans. Il y a un gendarme, là, c'est un des plus grands poètes français, s'appelle Pellica. Un gendarmerie, parce que juste qu'il écrit les happenings qu'il fait, mais bon, voilà. Mais quand le problème, c'est être dans les manifs, quand on essaie de discuter avec eux, on sait qu'il va y avoir un moment où le dialogue va passer, puis l'instant d'après, il va taper dessus. Hein. Enfin, c'est comme les gardiens de prison. Moi, j'avais connu un ancien détenu, il disait ces mecs-là, le jour où ils auront l'ordre de nous faire une fouille à poil et pousser, ils le font, et le jour où il y aura une tentative d'évasion, ils vont tirer, alors que deux minutes avant, ils discutent. Quoi. C'est le problème des agents armés de l'État, parce que tous les agents de l'État sont pas nocifs. Ceux-là, je pense qu'ils le sont en grande partie. Quoi. Et c'est vrai que souvent, dans les manifs, on voit, parce qu'on est face à face longtemps, quand on a une discussion avec eux, mais bon, est-ce que ça sert à quelque chose? Moi, dans tous les cas, ça me fait plaisir, enfin, ça me fait rigoler. Ouais. J'essaie d'avoir... Mais en gros, pour vous donner les chiffres, à peu près, c'est le seul endroit en France, dur, c'est bizarre de dire ça, mais quand même, où il y a 5, bon, genre, aujourd'hui, on a comptabilisé 5 ou 6 casernes de gendarmerie qu'on rentre patrouille dans le village. La ZAD, etc., c'est pas le même dispositif, c'est pas la même chose, du coup, on n'est pas dans le même contexte. Du coup, là, c'est 100 endroits en France où on se tape le premier cercle où il y a 3 gendarmeries, le deuxième cercle où on tombe à 6 gendarmeries, et le troisième cercle, avant on avait le troisième cercle, maintenant on l'a retiré, peut-être parce que maintenant ils ont la possibilité de mettre les gardes mobiles, du coup, on n'est pas sur les locaux, on est plus sur les gens qui viennent d'ailleurs. Il y a eu les caméras. Bon, la maison, moi je parle du principe que la maison elle n'est pas sécurisée. C'est-à-dire qu'on prend tous les buts, ce qu'il y a eu comme la lutte de Caténaire. Il y a eu un Caténaire comment ça s'appelle la lutte là ? Tarnac, voilà. Tarnac. On prend l'exemple de Tarnac. Faut bien partir du principe en gros qu'ils peuvent se jouer de nous. Il y a un très bon bouquin sur Tarnac qui est Magasin Général que je vous invite à lire. par rapport à, justement à l'infiltration, etc., etc. Moi, je pars du principe que je sais comment je suis, comment je me comporte, je sais quel mot j'ai devoir dire et pas d'autre, quelle information je vais devoir donner et pas d'autre, en fonction des gens que j'ai en face de moi, si je la connais ou pas. Mais je sais que je pars du principe que la maison n'est pas sécurisée, c'est-à-dire qu'on peut nous infiltrer. La maison est toujours ouverte parce qu'on sait qu'il y a des militants des fois qui viennent le soir à pas d'heure et du coup on laisse toujours une porte ouverte. Les gens savent c'est quelle porte et il faut aller derrière, hein, qu'on passe. Et on a toujours l'œil, que vous avez vu, l'œil de bœuf, il est toujours ouvert, donc ils peuvent faire passer n'importe quoi à n'importe quelle heure. On n'est pas, à l'époque on n'était pas toujours, donc il y a 4 ans, on était pas, la maison était fermée d'hiver, donc ils ont pu faire des travaux même dans la maison qu'on n'aurait pas pu voir. Même s'il y a des moments, elle était gardée assez souvent, c'est-à-dire que même l'hiver, il y avait des gens qui restaient de temps en temps. Mais là, c'est seulement depuis qu'on a un dortoir chauffé que les gens restent, et du coup, l'hiver, il y a quand même du monde à la maison. En dehors de ça, on a aussi donc, pas mal de néo-nazis dans le coin. Sur les contrats que je disais tout à l'heure avec Onetz, donc sur les 12 permanents, ok, mais sur le reste, donc sur les... 12, sur les 13 qui restent, en fait, c'est des contrats qui mettent en moment où nous, on annonce une action, c'est-à-dire l'occupation du bois. Bam, ils embauchent sur 4 jours des mecs. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils peuvent les prendre de n'importe où, PDS, n'importe où, en fait. Ils peuvent venir faire ce qu'ils veulent ici, et dans les 4 jours après, on les voit plus. Ça, c'est le gros avantage. Ils vont pas laisser faire des gens qui sont là tout le temps, ils vont laisser faire des gens qui sont là temporairement pour faire, voilà, pour être violent ou autre, en fait. C'est ce qui s'est passé à Bure. Pendant l'été, où il y a eu. Donc c'était à l'expulsion, non, à la réoccupation, où il y avait même le comptable de l'asso qui est handicapé en fauteuil, et du coup, qui sont amusés même à charger. Et le copain qui s'est fait, voilà, qui s'est fait agresser à ce moment-là, et c'est. Et pour autant, en parlant, moi j'avais parlé avec le chef, pour autant, c'est ça en fait qui est compliqué, c'est qu'il joue un double jeu en fait. Il fait le bon flic et le mauvais flic en même temps, c'est ça qui est assez bizarre avec lui. Il a mis 2-3 pressions, je vais pas dire les gens qui lui ont mis des pressions, mais c'était des gens qui étaient assez importants dans la lutte, qui sont assez importants dans la lutte à l'heure actuelle. Il s'amuse à mettre des petits coups de pression. Il faut savoir que les dossiers DRG maintenant en France ne sont plus nationaux, ils sont départementaux. Ça veut dire que si on va à la ZAD de Nantes, on aura un dossier, mais seulement dans le département de Nantes. Si on va en Meuse, ce sera seulement en Meuse, etc. Je me souviens que mon frère, il a reçu des pressions du fait qu'il travaille au repu. Alors l'IRG, dans leur tactique, ils ont toujours au moins l'IRG qui va faire le tour des quotidiens régionaux, nationaux ou locaux, tous les matins dans les éditions pour avoir les infos des manifs, les infos des actions, etc. Ils le font automatiquement. Ou soit ils n'ont pas besoin de le faire et tu as les gens qui balancent. Donc ça, c'est autre chose. À Longueuil, ça se passe comme ça, là où mon frère travaille, tous les matins, il y a des gens qui parlent à mon frère. Lui, à chaque fois, il va demander à mon frère alors, il va se passer quoi? T'as entendu parler de la manif? Mon frère me fait non, t'es RG, tu peux le savoir. Enfin, tu sais même ce que j'ai sur moi. Enfin, il s'amuse avec lui, il ne donne jamais d'infos. Et en gros, il a mis, s'amusait à mettre 5-6 coups de pression, indirectement pour moi, directement pour lui, en faisant semblant d'écraser, enfin, être grosso. Mais. Oui, c'est une petite pression, mais c'est sympa. Ils savent très bien qu'on est. Nous, moi, je suis un inattaquable. Enfin, je suis pas violent. On a juste fait un film. Mon frère aussi n'est pas violent. Je sais que physiquement, et s'ils ont des images, ils n'auront rien de moi. Donc là-dessus, je sais que je suis droit dans la basket. Par contre, s'ils peuvent, et c'est là-dessus où j'utilise le mode, c'est-à-dire s'ils peuvent mettre une pression autre pour nous faire peur, malheureusement, ça ne marche pas. Ça fait plus rigoler qu'autre chose. Mais bon, comme mon téléphone, là, j'ai des salines, malheureusement, mais. C'est juste parce qu'on m'a appelé et tout, mais mon téléphone est toujours désossé. Hein. Il y a eu des actions même menées avec les nouveaux téléphones aussi. Avec les... Le problème, c'est qu'on ne peut pas enlever la batterie. C'est bien que Apple aussi récupère toutes les données tous les ans. Enfin, il y a aussi des écrits là-dessus. Mais il y a une action, je vous donne un petit exemple sur le téléphone. Une action menée du côté du Chefren, où les potes du Chefren, en fait, ils avaient pris un téléphone, ils avaient fait semblant de faire une action, et ils avaient enlevé la batterie. Ils avaient organisé une fausse action. Hop, il n'y avait rien, pas de flic, rien du tout. Ils avaient enlevé la batterie et puces. La fois d'après, ils avaient réorganisé une. Parce qu'ils savaient que le téléphone était sur la tout le temps en fait. Ils avaient réorganisé une action et là, ils avaient laissé la batterie. Et ils avaient juste éteint le téléphone, ils avaient posé au milieu de la table. Ah, on va se retrouver dans les champs à tel moment, etc. Et ils ont été, donc ils savaient qu'ils avaient organisé l'action, que c'était une fausse action. Du coup, ils se sont mis, eux, à l'extérieur, en dehors du service de police. Donc ils ont vu militaires, RG, jumelles, quart de police, MILA, quart de. Etc. etc. Et ils ont vu un dispositif hallucinant. Alors que c'était une action, juste on va se côté de champ, etc., on va faire un truc là-bas. Et ils ont vu le dispositif, et cette action a montré qu'un téléphone où il y a encore la batterie dedans, même si on peut encore trouver un autre moyen de l'alimenter, il y a toujours moyen de surveiller. Il faut partir alors je vous donne une info, le seul moyen de ne pas être sur écoute, c'est d'être alors, éviter d'avoir un micro à part l'infiltration, qui restera le meilleur moyen de nous écouter, non, c'est d'être à côté d'un cours d'eau. Donc, j'ai fait que j'ai une formation d'ingénieur son, j'ai eu des gens, des ingénieurs qui m'ont donné info. Un cours d'eau en fait retransmet en même moment plusieurs fréquences que l'ingénieur ne pourra jamais supprimer. Si il y a un enregistrement derrière. Du coup, c'est le seul moyen de ne pas être sur la route. Ouais, c'est un cours d'eau, il faut savoir. De toute façon, t'as côté très bien pour parler. Je peux en trouver une aussi, c'est chiant. Mais du coup, moi je pars du principe, à chaque fois qu'on organise des trucs, on sait comment on le fait, on sait ce qu'on organise. À la base, nous on n'est pas violents, même s'il y a eu des moments, des dérapages à la maison, c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est des gens qui se sont autogérés, qui ont fait leur truc de leur côté. Je vais pas publiciter ça parce que moi, mon seul combat c'est l'information et je pense que si on met une baffe à quelqu'un, qu'on ne lui explique pas pourquoi on l'a mis, on n'aura jamais réellement fait passer son idée. Pour moi, je dis ça violemment, mais c'est un peu ça en fait. Si on n'est que violent à l'heure actuelle à Bure, on n'a rien compris. Parce que la lutte à Bure, c'est sur des dizaines d'années. C'est-à-dire que ce projet peut le réenterrer, le projet, pas les déchets, mais peut réenterrer le projet, le sortir en 60 ans, ça leur coûtera rien. Eux, dans 60 ans, hop, on fait passer une génération, etc. C'est pour ça que nous, depuis 15 ans, depuis la construction de la maison, on a eu du mal, nous on a acheté fin 2014 et 2004, on a eu du mal à relancer la lutte, c'est ce que les gens nous disaient à l'époque, m'ont dit à l'époque de la maison. C'est aussi le changement de génération, ce qu'il faut faire aussi attention. Eux font attention à ça quand ils lancent des projets, quand ils font des choses, ils savent très bien qu'ils sont très tactiques. Du coup, il faut user de la même. User d'autant de tactiques que eux, en fait. Et voilà. Après, c'est d'autres questions, d'autres choses, on peut partir dans tous les sens. Et le DVD, comment ça marche? Le prix libre, enfin. C'est le prix libre, nous, il nous est revenu. En fait, pour relancer des éditions, on le fait à 3. Enfin, nous, ça nous coûte 3,50€ à faire. Et après, c'est prix libre, vous mettez ce que vous voulez. Le bouquin, je préfère le laisser à la librairie ici. Normalement, il est à 10€ ou 12€, je crois. Comment? À la bibliothèque. Voilà, la bibliothèque, ouais. Et du coup, normalement, il est à 10€ ou 12€. Vous pouvez me demander, vous prenez juste les informations, donc c'est le collectif Burstop 55, vous trouverez les contacts directement sur internet si vous avez internet. Sinon vous avez aussi des infos ici, le mail est ici. Le mail est derrière ici. Les habitations ici, je vais laisser ici en fait. C'est ça, la bibliothèque. Les habitations ici, du côté de la rue de Tourelle, ils ont des amis de la Terre. Ah, voilà. Ah, attendez, un plan pour le trouver. Les amis de la Terre. Super. Après, les fascicules, il y a moins de vous demander. Ça apparaît si vous voulez laisser le. Amis d'abord. Et du coup, la lettre d'info qu'on fait, ça aussi, c'est. Si vous voulez l'avoir, vous me laissez le mail, je retransmets directement. Il y avait une question, est-ce que vous pouvez bien user dans les médiathèques par l'intermédiaire de boîtes style ADAM et tout ça? Je ne sais pas tout ce que ça veut dire, tout ça. Mais, alors, les médiathèques publiques, elles peuvent prêter. Faut les papiers pour les deux. Oui, c'est les DVD, mais il faut passer par des boîtes qui ont négocié les droits. Alors, nous, le problème, c'est que c'est même pour le film. On s'est vendu pour 30 ans à un groupe de potes qui n'a absolument rien fait sur le film, à part fait le premier édition. Alors, le seul truc où il y a moyen de trouver de vraies opportunités à rachat ici, maintenant, là, ici. Sinon, vous avez aussi en diffusion 4,90€, sachant qu'il n'y a rien de cet argent qui nous revient, c'est juste pour un soutien pour les lutins étrangers, donc je crois que c'est un peu plus. Pareil. Donc les lutins étrangers, on diffuse gratuitement pour nous, gratuitement. On n'a jamais fait feu pour l'argent, enfin, là-dessus, c'est... Moi, j'ai touché 3 500€ hein, sur 4 ans de tournage, mais parce que c'est une expérience de vie avant d'être. Voilà, c'est vraiment diffusé l'info. Du coup, vous trouverez en DVD aussi en vente sur le réseau sortie nucléaire. Réseau sortie nucléaire, vous tapez réseau sortie nucléaire.org et vous aurez plein d'informations, dont ces fascicules, dont cette carte. Vous avez aussi la même pour l'Allemagne, ils ont fait le pareil sur y a plein d'autres informations. Et sinon, je vous invite à aller aussi. En ce moment, on a donc il y a les infos sur notre site, mais par rapport à Bure, il y a aussi vnc.com. Vous trouverez des informations sur Bure. Pareil, faites attention à votre fichier. Vous mettrez le pied dans ces demandes. Je sais que ça gêne, ça peut gêner des gens, pour d'autres, non. Pareil, les pandémies, si vous venez en voiture, vous serez enregistré tout de suite. Hein, ils sont très forts là-dessus. Dès qu'il y a des gens. Si vous voulez aller à Marseille, vous savez, voilà, téléphonez à Airyface. C'est bon, il faut faire le plaisir avant qu'on passe la porte, si vous l'affichez, mince. Il faut lever la tête, voir. J'ai appris les références pour vous réaménagement. Il y a un endroit à Marseille. Ça va finir d'être réaménagé. Alors, il y a eu des gros soucis de. Il y a encore réutilisé, mais il y a des gens à 10 mois. Moi, dans les locaux de la gare, il y a eu des gros soucis de bras. Il y a eu des discussions sur antispécistes, c'est-à-dire qu'on doit réinvestir les chats pour éviter de faire des rats. Bon, ça, c'est des discussions, c'est un peu sympa, c'est comme. C'est pas mon lieu, mais dans tout cas, je pense qu'il faudrait qu'ils aient juste qu'ils invitent à des prochains. C'est les gens qui vont recevoir. C'est de quel lieu s'il y a des marins. Il y a une gare, en fait, qu'on a. C'est une petite histoire assez marrante. C'est la gare, c'est des copains qui ont acheté ça avant d'acheter la maison. Et du coup, ils ont. Comment dire. Ils ont mis une demande, parce que c'est une gare, ils savaient que c'était étatique pour l'endroit. Ils savaient que s'ils faisaient venir pendant des déchets. Par train, il va falloir une gare à côté. Et bon, là, on connaît la gare, c'est pas celle-là, on sait très bien. En fait, ils avaient demandé aux potes de la racheter. Et les copains ont répondu on veut bien vous la vendre si vous nous donnez 1 million d'euros en petite coupure. C'est vraiment qu'on se foute d'eux, et au final, ils n'ont jamais répondu. En gros, la gare, elle en est. Il y a eu un préau de construit. Ils ont retravaillé tout, du coup, c'est un préau pour les réunions, pour les diffuser, pour les concerts et autres. Il se passe souvent des événements, enfin de plus en plus d'événements. En ce moment, je ne sais pas comment ça va se passer l'hiver, parce qu'en dur, en mousse, c'est un peu plus compliqué pour faire des choses, mais c'est possible qu'il y ait des choses. Et puis, c'est pas grave s'il n'y a pas la gare, il y aura quand même la maison. Après, la gare, elle permet de stocker, de venir en camionnette, en camping-car, en tente, et de les attendre dans le jardin de la maison, mais aussi, on a un peu moins de place, on verra. Mais non, pour l'instant, je pense qu'ils vont réinvestir quand même la gare, c'est quand même un beau projet, mais ça serait bien qu'ils réinvestissent les lieux pour. Il y a eu un ordre de construit, il y a eu. Ça a été isolé un peu. Il y a eu installation d'arrivée de potable, c'est-à-dire qu'il y avait un puits qui avait été pourri par des gens qui étaient pour le projet, qui avaient jeté un peu de chèvre ou un cochon dans un sac plastique noir, vraiment c'est dans le puits qui a dû être nettoyé plusieurs fois. Ils l'ont fait cette année, et du coup, là, il y a un le puits, et l'eau va redevenir potable ou déjà. Donc, ça, je ne sais pas où il y a un. Et je vous invite, dans tous les cas, à venir à la maison, sans souci. Vous pouvez mettre votre mail là-dessus, si vous souhaitez recevoir. Dites ce que vous voulez, c'est juste de la mettre d'infos. La mettre d'infos, si vous voulez des fascicules ou autre. C'est la deuxième colonne, vous marquez ce que vous voulez. On remercie bon, Aymeric d'avoir fait le voyage pour venir nous voir. Merci à vous d'être venu et d'avoir participé activement à la discussion qui va continuer autour d'un verre. Donc, on vous invite à passer dans la salle à côté pour continuer. La discussion n'est pas épuisée. Je vais rester par là.